Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, pleine de bons films, bien entendu. Chaque année, l'UCC, une des deux associations de critiques de cinéma en Belgique, attribue deux prix. Le Grand Prix pour le meilleur film de l'année et le Prix Cavens pour le meilleur film belge de l'année. Le Grand Prix, ce sont 5 films finalistes désignés lors d'une présélection en décembre. Cette fois, il y avait Loveless, Get Out, Lady Macbeth, Un Amour Fantastica et Manchester by the Sea. Un choix cornélien comme à chaque fois depuis plus de 60 ans. C'est à l'issue d'un dîner débat début janvier, où les discussions sont toujours animées, cela en français et en flamand, que le vainqueur est désigné. Le favori Loveless du russe Andrei Zvingatsev l'a finalement emporté, non sans avoir bataillé ferme avec Un Amour Fantastica du chilien Sébastien Lelio. Sur la dernière marche du podium, on retrouve Get Out de l'Américain Jordan Peele. Quant au prix Cavens, c'est un vote des membres de l'UCC qui permet de récompenser un film belge. Home de Finn Troc l'a largement emporté. C'est la troisième fois que la réalisatrice remporte le prix. Elle rejoint au palmarès Jaco van Dormael et Joachim Lafosse, tous deux triples vainqueurs. Home, sorti en janvier 2017, est un film marquant, tellement marquant, qu'il est resté dans les mémoires des critiques belges. La 8e édition du Ramdam Festival, le festival du film qui dérange, a débuté ce 13 janvier et se terminera le 23 janvier prochain à Tournai, pas très loin des Hauts-de-France. La quarantaine de films projetés sont répartis en 3 catégories, fiction, documentaire et les Ramdam de l'année. Dans chaque catégorie, le public récompense les meilleurs des films qui dérangent et les films les plus dérangeants. Les spectateurs pourront voir notamment In the Fed, film pour lequel Diane Kruger a obtenu le prix d'interprétation féminine à Cannes, The Pose de Steven Spielberg, Carnivore de Jérémy et Yannick Régnier, Chien de Samuel Benchetrit, couronné 3 fois au FIF à Namur, Jusqu'à la gare de Xavier Legrand, récompensé à Venise, Raja de Nabil Ayouch ou encore The Florida Project de Sean S. Baker. Plus d'infos sur www.ramdamfestival.be. En ce début d'année, deux films belges bien différents font la une. Leur point commun, c'est qu'ils sont réalisés par des duos et que je n'avais pas aimé leur précédent film. Le premier, Laissez bronzer les cadavres de Hélène Cattet et Bruno Forzani, est sorti en France en octobre dernier, en Belgique ce 10 janvier. Le second, Pas de sœur de Adil El Arbi et Bilal Fala, sortira ce 24 janvier en Belgique, le 21 février prochain en France. Hélène Cattet et Bruno Forzani, deux Français habitant depuis 10 ans à Bruxelles, avaient commis il y a 4 ans L'étrange couleur des larmes de ton corps, un giallo que je n'avais pas du tout aimé. Mais alors pas du tout. Comme je laisse toujours une deuxième chance, j'ai vu Laisser bronzer les cadavres. Patatras, rien ne m'a plu. Ah si, les paysages corses, superbement bien filmés. Mais j'ai décroché très vite d'une histoire alambiquée, sans qu'une tête pleine de références qui me sont passées au-dessus de la tête. Je ne m'étendrai donc pas plus. Quant à Pas de sœur de Adil El Arbi et Bilal Fala, il va sans doute susciter la polémique, tout comme Black, lors de sa sortie en 2015. Pas de sœur véhicule à mon sens des stéréotypes sur les Arabes que certaines personnes vont malheureusement prendre pour argent comptant. Ils vont se dire « Ah oui, ils sont bien comme on le pensait, surtout que ce sont des Arabes qui le disent ». Il y a aussi une bande-son terriblement bruyante, tellement poussée au maximum que j'en avais mal la tête. À la prochaine.